l'autre qui te mange toute nue. Je suis. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM, c'est Marion, il est 8h30, c'est vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Si vous avez la chance d'être en vacances, eh bien je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez-en bien. Si vous devez prendre le train encore aujourd'hui, vérifiez bien auprès de la SNCF hein, que le train circule, puisque depuis ce week-end, c'est un petit peu la catastrophe hein, pour les trains pour ce départ en vacances avec la grève hein, SNCF, donc n'oubliez pas hein, de consulter et bon courage à tous si vous devez prendre le train. Nous sommes le lundi 21 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Céline et aux Ursule. Les dictons nous disent à la Sainte-Ursule, le froid recule, ou encore à la Sainte-Ursule, le temps parfois est un petit printemps. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale de la culture pour la concorde et la paix initiée par le fonds de dotation Al-Jbatart. Et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 21 octobre. Avant de parler musique, on va écouter des petits messages et on commence tout de suite avec un message qui nous vient de la région Grand Est. Vous avez entre 15 et 29 ans, vous résidez dans le Grand Est, vous souhaitez contribuer au développement de votre région, engagez-vous au Conseil Régional des Jeunes. Lycéens, apprentis, étudiants, en recherche d'emploi ou actifs, soyez le porte-parole de votre génération en devenant l'un des 72 membres du Conseil Régional des Jeunes du Grand Est. Candidatez jusqu'au 5 novembre sur www.jeuneest.fr. Voilà donc pour la région Grand Est. On va parler tout de suite du centre aquatique de Remiremont. Ça peut vous donner une idée de sortie pour ces vacances hein, qui est situé 75 Faubourg du Val d'Ajol. Et on va vous communiquer les horaires d'ouverture pour ces vacances. Et aujourd'hui, en ce lundi 21 octobre, le centre aquatique qui comprend 3 bassins hein, pour toute la famille, 2 plongeoires, 1 toboggan, un espace détente d'ailleurs avec spa et sauna, eh bien, sera ouvert aujourd'hui de 12h à 17h20. Rendez-vous demain pour les nouveaux horaires pour la journée de demain. Et on continue avec cette fois-ci un message sur le don du sang. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois d'octobre 2019 dans notre département. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins, avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il faut aller donner son sang. Et voici les dates pour le mois d'octobre. Lundi 21 octobre 2019, à Plombières-les-Bains, à la salle Claude et Deux Augustins, située 6 rue Griot, de 16h à 19h30. Samedi 26 octobre, à La Bresse, à la salle des fêtes, située à l'adresse 12 place du Champtel, de 8h30 à midi et de 15h à 18h30. Jeudi 31 octobre 2019, à Cornimont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 24 rue 3ème DIA, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà pour le don du sang pour le mois d'octobre. Allez tout de suite, première pause musicale avec le groupe Toto et leur titre Africa. Thank you.

1976, naissance de Jeremy Miller, acteur américain, vu dans la série Quoi de neuf docteur dans le rôle de Ben Seaver. C'est également l'année de naissance d'Andrew Scott, acteur irlandais, vu dans Dr. Frankenstein dans le rôle de Roderick Turpin. Spectre, c'est un James Bond dans le rôle de Max Denbigh. Alice de l'autre côté du miroir dans le rôle d'Addison Bennett. Ou encore la série télé Sherlock dans 9 épisodes dans le rôle de Jim Moriarty. 1980, naissance de Kim Kardashian West, personnalité médiatique, femme d'affaires, productrice, styliste, animatrice télé américaine. 1982, naissance de Matt Dallas, acteur américain connu pour son rôle de Kyle dans la série télé Kyle XY. 1991, naissance de Sébastien Vamaina, joueur de rugby français professionnel depuis 2010, qui a joué à Brive, à Perpignan, et depuis 2014, il joue à Clermont. En 1984, décédé François Truffaut, cinéaste français à qui l'on doit Julie Jim, Baiser volé, La nuit américaine, récompensée de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, L'histoire d'Adèle H, Le dernier métro, César du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, ou encore La femme d'à côté. En 2003, décédé Elliott Smith, chanteur musicien américain. En 2016, décédé Clément Michu, acteur français, vu dans la série Thierry Lafronde dans le rôle de Martin, ou encore Commissaire Moulin dans le rôle du commandant Pierre Guillaumard. Tout de suite, on va s'écouter Elliott Smith avec le titre Miss Misery, et chanson écrite pour le film Will Hunting, nommé en 98 aux Oscars du cinéma dans la catégorie meilleure chanson originale. Allez, on écoute ça tout de suite. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. Seen in a magazine that you left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Do you miss me? Miss me like you said. Le chanteur Elliott Smith sur le 107FM. Il est presque 8h45 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Actuellement, c'est principalement un temps nuageux, même si en regardant par la fenêtre, je peux voir un peu de ciel bleu. Malheureusement, ça ne va pas durer puisqu'on passera la journée sous les nuages et la pluie. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés prévus pour cet après-midi. Pour mardi, on commencera la journée sous la pluie avec au fur et à mesure des éclaircies. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le rugby et la Coupe du Monde et malheureusement la fin du parcours de l'équipe de France qui s'est inclinée en quart de finale face au Pays de Galles sur le score de 19 à 20. La France qui a reçu un carton rouge. Donc la France a évolué à 14 contre 15 contre le Pays de Galles. Alors déjà à 15 contre 15 c'était difficile mais avec un joueur de moins ça a été très compliqué. Et à quelques minutes de la fin, un essai qui fait beaucoup parler depuis et l'arbitre qui fait beaucoup parler aussi de lui. Depuis cette nuit, le sélectionneur du 15 de France a déclaré « On perd le match de peu sur des actions qui me paraissent litigieuses ». À noter que c'était la fin au poste de sélectionneur de Jacques Brunel. Allez, on continue l'actualité sportive et on va au hockey sur glace en D2. Épinal qui s'est imposé samedi soir 9 buts à 5 face au club d'Evry-Viry. Ne vous fiez pas au score si comme cela la victoire des Épinal vous paraît facile, hein, 9 à 5, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'était tranquille pour les Spinaliens, eh bien pas du tout. Evry-Viry a vraiment donné du fil à retordre aux Spinaliens, match très serré. Prochain match pour le HC, ce sera demain soir, toujours à la patinoire de Poisson-Pré, ce sera en Coupe de France avec la réception du club de Ligue Magnus, Mulhouse. On continue avec du basket en Pro B, victoire de Nancy 82 à 75 face au club d'Evreux. En National 1, victoire du Jet Vosges face à First 88 à 63. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 1 à Nice. Lyon et Dijon fait match nul 0 partout. Brest s'est imposé 1 but à 0 à Angers. Metz s'est imposé à domicile face à Nantes sur le score de 1 à 0. Nîmes et Amiens fait match nul 1 but partout. Reims s'est imposé 1 but à 0 face à Montpellier. Toulouse s'est imposé 2 buts à 1 face à Lille. Saint-Etienne s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Bordeaux. Monaco s'est imposé 3 buts à 2 face à Rennes et enfin Marseille s'est imposé 2 buts à 0 face à Strasbourg. En Ligue 2, Nancy a décroché le match nul à l'AC Ajaccio 0 partout. En National 2, Épinal s'est imposé face à Belfort sur le score de 3 à 1. En National 3, Raon L'Étape a décroché le match nul à Saint-Louis-Neuvaigue 1 but partout et Thaon-les-Vosges a vu son match à Métropole Troyenne reporté. Un mot de biathlon avec les championnats de France qui ont eu lieu ce week-end. C'était sur du ski roue, bien sûr, puisqu'il n'y a encore pas de neige. Côté dames, le sprint a vu la victoire de Justine Brezaz devant Myrti Beg et Célia Aymonier. La poursuite a été remportée par Anaïs Bescon devant Justine Brezaz et Julia Simon. Côté messieurs, le sprint a été remporté par Simon Détieux devant Quentin Fionmaillet et Martin Fourcade. La poursuite a été remportée par Simon Détieux devant Martin Fourcade et Émilien Jacquelin. On termine cette actualité avec du tennis, la finale à Moscou, où Adrian Manarino s'est incliné face à Rublev. Et la finale d'Anvers a opposé Stan Wawrinka à Andy Murray. Et victoire du Britannique en 3-7, 3-6, 6-4, 6-2. Andy Murray remporte donc le tournoi d'Anvers, 2 ans sans titre. Et après 2 opérations de la hanche, c'est un incroyable comeback. Donc bravo aux Britanniques. À noter que c'est la fin de saison pour Lucas Pouille. Il a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. Et il y a plusieurs tournois cette semaine, notamment celui de Vienne où aujourd'hui Herbert affrontera Schwartzmann et à Bâle, Benoît Paire affrontera ce soir Laaksonen. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Jérémy Frérot et son titre, son nouveau titre, L'Homme Nouveau. J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux,